La vie est sur le pont du navire éclatant. Le rayon l'envoya, la lumière l'attend. L'homme y fourmille, l'homme indicible y flamboie. Point d'armes, un fier bruit de puissance et de joie. Le cri vertigineux de l'exploration. Il court, ombre, clarté, chimère, vision. Regardez-le pendant qu'il passe. Il va si vite. Comme autour d'un soleil, un système gravite, une sphère de cuivre énorme fait marcher quatre globes où pend un immense plancher. Elle respire et fuit dans les vents qui la bercent. Un large blanc uni horizontal que percent des trappes, se fermant, s'ouvrant au gré du frein, fait un grand diaphragme à ce poumon d'airain. Il s'impose à la nue, ainsi qu'à l'onde, un liège. La toile d'araignée humaine, un vaste piège de cordes et de nœuds, un enchevêtrement de soupapes que meut un câble au courlément, une embûche de treuils, de cabestans, de moufles, prend au passage et fait travailler tous les souffles.